faut qu'elle décube, on va la prendre pour une alcoolo. C'était E égale 2 MC, ma poule. Voilà ce qui se passe quand on laisse la parole à nos plumes. Parole à nos plumes.